mère, tu m'as la prends. Ma mère, tu m'as la prends. Ma mère, tu m'as la prends. Je veux me casser loin de tout, plus dérivé, loin du rivage. Tâche de négocier le virage, pas de partir dans l'anonymat. On fera en sorte que tout s'arrête, certes, avant le dernier gong. Une année de plus à faire du son, mais je n'espère plus qu'un jour ça paye, non. Je connais les coups de pression, les coups de mou quand je taffe mes sons. Le soir, je casse des sommes, dur d'avancer, j'enchaîne les pannes d'essence. Ici, rien de récent, tourne en rond, c'est l'indécime. Qu'un jour ou l'autre, tu disparais comme le leader de Noir Désir. Là, tu sens passer la douille, le froid du canon sur la tempe. Mais qui va mener la danse, mec, qui va valser sur la corde. Raide des questions sans réponse, que je me pose sans raison, dur d'avancer la corde au cou. Ici rien ne change sauf les réseaux. Dans ma tête des voix résonnent. Frère je les calme à la résine. Paraît que nos désirs font des ordres. Y'a que la haine dans nos rétines. Malgré que le temps enterre les proches. Pendant que la balle à venir se dessine. Parfois j'attends encore les signes. Paraît que l'enfer c'est les autres. Le matin se lève, la brume, les nuages roses. Mettez terme à la lune cette nuit atroce. Le vent qui souffle m'emporte le cri des gens qui souffrent. Moi je reste tranquille souffle. Lâche mais je rêve de partir loin de tout. Le matin se lève, la brume, les nuages roses. Mettez terme à la lune cette nuit atroce. Le vent qui souffle m'emporte le cri des gens qui souffrent. Moi, je reste tranquille, souffle, lâche, mais je rêve de partir loin de tout. Je veux partir loin de tout, si proche du grand départ. En attendant, on gratte des pas, je chrome, je crame tout. Je voulais quitter les bancs de la thèse, misser au rang d'athlète, mettre des frappes comme Laurent Patelet, c'est que le temps m'apaise. Je vais te mettre en barre, mais toujours la rage au ventre. Hey, je reviens dans le match, hein, tout par la balle au centre. Je rappe mes peines, mes tristesses, nique leur business. J'arrive à fond de balle en excès de vitesse, je t'enlève l'envie de test. Je suis resté le même, quelques Loki en plus. Qui grattait des rimes dans le bus. Qui s'épanouit dans le dur comme une mauvaise herbe. On a de la rage dans nos réserves. On fera en sorte que nos mots résonnent. Car dans nos têtes les mots résident. Nique toi et tes beaux récits. Je veux partir loin, nager dans de beaux récifs. La grisaille est corrosive. Je me bats pour l'amour des proches. Puis je partirai comme Nurmagomedov. Le matin se lève, la brume, les nuages roses. Mettez un terme à la lune, cette nuit atroce. Le vent qui souffle m'emporte le cri des gens qui souffrent. Moi, je reste tranquille, souffle, lâche, mais je rêve de partir loin de tout. Le matin se lève, la brume, les nuages roses. Mettez un terme à la lune, cette nuit atroce. Le vent qui souffle m'emporte le cri des gens qui souffrent. Moi, je reste tranquille, souffle, lâche, mais je rêve de partir loin de tout. Je veux m'éloigner du mal, déployer mes ailes. Marre de broyer du noir, de noyer mes rêves. Je voudrais la paix pour panser mes blessures. Mais j'ai que mes cesses pour soigner les plaies. Je veux m'éloigner du mal, déployer mes ailes. Marre de broyer du noir, de noyer mes rêves. Je voudrais la paix pour panser mes blessures. Mais j'ai que mes cesses pour soigner les plaies. Je veux m'éloigner du mal, déployer mes ailes. Je voudrais la paix pour panser mes blessures. Le matin se lève, la brume, les nuages roses. Mettez un terme à la lune, cette nuit atroce. Le vent qui souffle m'emporte le cri des gens qui souffrent. Moi, je reste tranquille, souffle, lâche, mais je rêve de partir loin de tout.